perfectionne les orchestrations. Interlude, cassure, car il faut soigner les transitions. Oui, j'aime le rock progressif, je suis un fin mélomane. Persécuté, je résiste, je suis un mégalomane. Je suis